avant de se rendre à 8 heures, là. Ouais. Parce que je veux... Ben, je vous dirai pas ce que je vais en venir avec ça. Vous allez probablement le deviner vous-même. Je fais mon petit quiz, puis après ça, je vais faire ma conclusion. J'aimerais ça, vous savez qu'il y a certains extraits ces temps-ci sur la charte qui circulent beaucoup, beaucoup. Là. Il y a une entrevue qu'on a faite ici, je pense qu'elle est rendue à 100 000 écoutes là, sur YouTube. Et on arrive à 110 000. J'haïrais pas ça que ma prochaine intervention aussi soit écoutée par beaucoup de monde. Comme toujours, on souhaite toujours avoir de l'audience, mais je pense que ça ferait du bien. Je pense. Alors, c'est extrêmement touché. Je sais que je marche sur des œufs, mais regarde, je fais un jeu de questionnaire. J'ai le droit? Mm-hmm. C'est parti. 670-9330. Première question, on va même donner des choix de réponse. Il y a une église qui a été brûlée, qui a sauté au Pakistan. Il y a des centaines de chrétiens qui sont décédés là-dedans. Leur seul crime, c'est avoir été des chrétiens. OK? Ils étaient à l'église, ils priaient. Les gens qui ont fait sauter l'église, de quelle confession religieuse ils étaient? Alors, je donne trois choix. A, hindouiste. On est au Pakistan, là. C'est à côté de l'Inde. C'est une des plus importantes religions au monde. On les voit souvent, point rouge dans le front. Ils croient en Shiva, en une sorte de déesse, tout ça. Regarde, je ris pas d'eux autres. Est-ce que c'est des hindouistes qui ont fait sauter une église chrétienne au Pakistan? Ça s'est passé cette semaine. Deuxième, B, est-ce que c'est des taoïstes? La religion de Tao, est-ce que tu connais ça? Là-haut-dessus, les Chinois, je pense qu'avec Confucius, c'est une des grandes religions en Chine. Tao, c'est le yin et le yang. Alors, est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est Tao ou c'est des musulmans fanatiques? C'est qui, là? Qui a fait sauter l'église au Pakistan? 670-9330. On gagne quelque chose? Ah, ben, écoute, peut-être qu'à la fin, je ferai un grand gagnant parmi, j'ai trois, quatre questions, ceux qui auront les bonnes réponses. On peut aller au téléphone au hasard comme ça, là. Alors, A, B ou C. Allô? Oui, bonjour, M. Boucard. Alors, est-ce que c'est hindouiste, Tao ou musulmans qui ont fait sauter une église au Pakistan? On gagne 100 piastres, M. Boucard, c'est des musulmans. Bonne réponse. Vous n'avez pas besoin de gager. Ce sont des musulmans fanatiques. Merci d'avoir appelé. Restez en ligne. On va peut-être prendre vos coordonnées. Bon, j'ai une deuxième question également. Récemment, un présumé terroriste s'est présenté dans une cour de justice à Toronto, menottes au poing. Et là, pour son interrogatoire, pendant qu'il passait au palais de justice, on a voulu y enlever ses menottes, le bout là où il est devant le juge. Et il y a une agente correctionnelle qui s'est présentée devant lui et il a répondu « Toi, touche-moi pas, t'es pas mon épouse, je ne veux pas qu'une femme me touche. » Et le juge, pas de colonne, pas de couille, il a dit « C'est beau, on va demander à ce que un homme te touche les poignets, la femme, tasse-toi. » Cette personne-là, elle était de quelle confession religieuse? Choix de réponse encore une fois. A, chrétienne. Hein? Un chrétien. T'es pas ma femme, mais pas tu me touches. Est-ce que c'était un chrétien? Est-ce que c'était un adepte de Confucius, la religion de Patrice Lécuyer, entre autres? Je sais pas d'autres. Non, mais Confucius, c'est connu, là. Ouais. Les proverbes. D'un coup, Confucius a déjà dit un jour, une femme qui est pas ton épouse, tu ne toucheras point. Je sais pas. Ou c'est un musulman fanatique. Alors, je prends des exemples, évidemment, qui ont défrayé les manchettes. Je reste dans l'actualité de cette semaine, vous l'avez bien deviné. Une église a sauté, un homme dans un palais de justice a demandé à ce qu'une femme ne le touche pas. Alors, dans ce cas-ci, chrétien, Confucius ou musulman? Ça va au téléphone. Bon matin. Bon matin. Alors, de quelle religion, selon vous? Un musulman. Voyons, c'est-tu trop facile, mes affaires, ou quoi? Donne des choix de réponse, j'y vais avec d'autres choses. Ouais. OK, ben, merci Rends beaucoup. Rends ça plus tough un peu, là. Hein? Rends ça plus tough un peu. On prend ça. Oh, 670-9330. Tu veux que je rende ça encore plus tough un peu? Ben. OK. Allons-y avec celle-là. Sur le blog, allez voir ça sur la presse mobile, là, Cyberpresse, là. Sur le blog de Marie-Claire Lortie. C'est Marie-Claude? Marie-Claude Lortie. Elle parle d'un phénomène, il y a plein de photos, c'est hallucinant, c'est spectaculaire. Va sur le blog de Marie-Claude Lortie d'hier, Catherine, tu vas pogner de quoi, là. Il y a des enfants en bas âge, entre 0 et 1 an, qui sont totalement costumés de façon religieuse ostentatoire. Je vous dis pas le costume, parce que moi, je pose des questions un matin. Je fais juste ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ces enfants-là entre 0 et 1 an? A, on les a habillés de façon juive traditionnelle. On leur a mis des petites perruques avec des papillotes, là, des espèces de boudins, une kippa, pour les habiller en noir, puis ils se sont habillés en juif orthodoxe entre 0 et 1 an. Ça, c'est A. B. On leur a mis une soutane blanche. Ce sont des raéliens. Alors, soutane blanche entre 0 et 1 an, avec un gros pendentif, là, des espèces de Joël doré qui ont dans le cou, là. Ça, c'est B. Ou C, des musulmans fanatiques, on les a voilés des petites filles entre 0 et 1 an. 670-9330. On s'en va au téléphone encore une fois. Là, c'est plus dur, là. Hein? Est-ce que tu vois les photos? Oui, je les vois. Je les ai devant moi. Je les ai vues hier. Ça vient me chercher, là. Alors, entre 0 et 1 an, des bébés qu'on a costumés de façon religieuse, est-ce qu'on les a habillés en juif orthodoxe, en raélien, okay, soutane blanche, tout, vous savez comment ils s'habillent, les raéliens, là, ou encore en musulman fanatique? 670-9330. Téléphone, bon matin! Bon matin! Alors, madame, votre réponse? Pas les musulmans fanatiques. Eh bien oui, c'est encore... Mais mon quiz est trop facile. Va falloir que je rende ça plus difficile un peu, moi, là. Merci beaucoup. Avez-vous besoin que je continue? Voulez-vous que je continue ou j'arrête ça? Avez-vous compris, là? On arrête-tu une fois pour toutes, là? Peux-tu parler, là? Madame Marois, Drainville, la gang, écoutez-moi, là. Avez-vous fini là, vos enfantillages, vos niaiseries, la chicane que vous cherchez, que vos projets de loi niaiseux qui englobent tout le monde... On se parle-tu, là? On a-tu des problèmes au Québec? Y en a-tu un? Oui! Avec qui? Qui c'est, à matin, qui a un problème avec les bouddhistes? Levez la main! Y a-tu de quoi, là? Non, mais ils sont nombreux, là. Savez-vous, les bouddhistes, les hindouistes, les confucianistes, les taoïstes. Et j'ajouterais, on a-tu des problèmes avec les musulmans? Non plus. Mais avec les musulmans fanatiques et extrémistes. On en a-tu? Oui! Ben, callez donc la chotte, maudite marde, comme du monde. Ayez donc du courage et des couilles ostentatoires, puis dites-le haut et fort! Dans tous les exemples que j'ai donnés, j'aurais pu continuer, là. J'aurais pu en faire pendant une heure de temps. Vous auriez toujours dû répondre, musulmans fanatiques. Ils en ont un agenda. Ils veulent nous imposer leur religion. Oui, ils veulent dominer le monde. C'est écrit, c'est même pas un agenda caché. C'est clair et net. Et ces gens-là enfreignent nos valeurs fondamentales. Que Marois et Drainville le disent haut et fort au lieu d'une niaisage, d'une charte des valeurs, ça acquit pas, qu'ils vont mesurer les crucifix, puis interdire ci et ça, puis les foulards, moi ça me dérange pas, puis ils vont écœurer tout le monde, provoquer un chicane avec Ottawa, pis avec tout le monde pour passer le maudit séparation. Et ce que Pauline Marois veut, ce n'est pas la laïcité, c'est le trône. On est dans Games of Thrones. Elle veut le trône de fer, pour elle, tout seul. C'est ça qu'a veut la Pauline, s'asseoir sur le trône de fer. Ça n'a rien à voir, il n'y en a pas de problème avec la laïcité ici. Là. Fait que tu fais une annonce, ça aurait pris 30 secondes. Tu montes sur une butte avec ton... Tu sais, là, comme dans l'annonce là de, je sais pas, Sale ou... Ouais, je sais pas, c'est laquelle. Qui va d'ailleurs, attention. Tous les gens qui ont des religions différentes au Québec, bienvenue! Vous êtes les bienvenus! Pratiquez votre religion! Ne l'imposez pas. C'est tout. Ceux qui imposent leur religion et qui enfreignent nos valeurs fondamentales, crissez votre camp. Dehors, un coup de pied dans le cul. Merci, au revoir, bonjour. Tiens, c'est fait, c'est terminé. Il n'y en a plus de débat, là. On n'a pas besoin de s'entre-déchirer comme ça. Sérieux, là, moi, je trouve ça triste. Et là, il y a du racisme. Et là, il y a de l'intolérance. Et là, on va commencer à pointer du doigt des Juifs. Et là, on va commencer à pointer du doigt des Sikhs, malheureusement. Puis oui, on va aussi beaucoup pointer du doigt, malheureusement, des musulmans. Qui ne dérange pas, moi. Ceux qui... C'est quoi tu veux? Tu veux t'habiller différemment? Go! Tu veux prier? J'ai un local dans ma business, il sert pas. Vas-y. Par contre, tu vas prier pendant ta pause. Je n'aurai pas une pause de plus là, que les autres. Mais si pendant la pause, au lieu de griller une cigarette dehors ou aller te faire un café, tu veux te prosterner devant la Mecque, mais oui, mon ami, je vais t'aider même. On va essayer de te trouver une place. Je respecte ça. Si tu veux manger halal, mange halal. Mais je ferai pas un menu halal pour tout le monde. Mais si tu veux, toi, manger halal, même que si je t'accueille chez nous, là, ou si j'accueille un végétarien chez nous, là, faites certain que je ferai pas manger de la salade à 10 personnes. Mais ça se peut que si j'en ai un de mes amis qui est végétarien, peut-être bien faire un petit spécial. Tu t'en penses? Ah, ben moi, je le fais tout le temps. Oui, un musulman qui vient chez nous, tu viens, je t'impose à rien, là, manger tout du bacon. Mais moi, tu sais que je suis musulman. Fait que, mets-moi en pas, pas de trouble, mon ami. Peux-tu jaser, là, comme ça? Y a-tu un musulman qui peut m'appeler un? Juste un. Puis me dire, je suis d'accord avec toi, Butch. On a vraiment un problème avec les musulmans fanatiques. Et c'est eux qu'on devrait condamner, dont on devrait parler, on devrait se battre contre eux. Puis pour le reste, vivons en paix avec la gang qu'on est là, respectons-nous dans les différences, pas grave, ayons de la tolérance, acceptez que des petites affaires des fois qu'on trouve bizarres, que moi, la façon dont t'es habillé, la façon dont t'as parlé, passons par-dessus ça. That's it. Moi, je suis pas gêné, je rencontre des musulmans régulièrement parce que je prends le taxi beaucoup, puis il y en a. Puis je suis pas gêné de parler à tout le monde, il y en a qui me parlent, puis je sais qu'ils se font écœurer, là. Ah oui, oui, ah, ouais, ils se font écœurer, là. Ils se font tout écœurer, là. À cause, je le dis, à cause de la Marois. Parce que son projet mélange tout, elle met un peu tout le monde dans le même. Tout le monde est une menace, là.